bienvenue, nouvelle semaine en podcast. Non, mais... Oui, mais c'est après le... Non. Mais si, t'es sûr? Bah oui, écoute. Ah merde, c'est pas celui-là. Nous faire un truc. Allez, on a une chouette émission pour vous. Vous êtes là sur le podcast. Nous avons fait cette émission le 5 janvier. Hein? Et l'on, on la diffuse 6 mois plus tard. Non, pas du tout. On est le 5 juin. Ah, ouais, il fait bien trop chaud dans le studio pour qu'on soit le 5 janvier. C'est vrai. Oh, oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est en même temps Baptiste, Batoc 2000, là, qui. Force d'éternuer, d'exploser, en fait. Il émane de bonnes vibrations. Donc Bah pour un bateau, oui. Bateau 2001. Ah. Bon. Plein de belles choses pour vous dans cette émission. On vous a prévu des surprises, on vous a prévu forcément des choses en rapport avec les élections qui se passent le 9 juin. 9 juin. Voilà, vous écoutez peut-être ça après les votes. Vous vous direz, mais oui, mais il fallait que je vote pour lui. Parce qu'on a des candidats que vous n'avez jamais entendus ailleurs. Ils sont chez nous. Et ça, je peux vous dire qu'on n'en est pas peu fiers. Je n'ai qu'un pays, celui de ton corps. Je n'ai qu'un péché, ton triangle d'or. Je découvre en toi toutes les audaces quand tu m'aimes. Pardon. Allez. Attends, les beaufs, c'est musique. Et quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Beauf. Oh là là, il va j'aime bien, c'est pas une il va énerver le patron. Est-ce que ça passait au camping? Parce qu'il faut savoir que à chaque fois j'adore qu'on coupe, le camping, j'adore à chaque le fois camping. Qu'on coupe le truc, il y a Baptiste qui nous dit ah ben cette musique là elle passait au camping. Mais elle passait toute ma vie au camping. Mais forcément je n'ai qu'une référence, c'est le camping. T'es le seul campeur quand même qui s'habille avec des trucs à manches longues et des pantalons de 20 cm d'épaisseur. C'est-à-dire oui, que tu passes tous les jours à te balader avec un rouleau de PQ sous le bras. Enfin, oui. Sauf quand on oublie, ben là du coup c'est. Enfin, c'est ça les campeurs. Hein. Et tu bois du pastis. Aussi. Ah. Du pastis et de la pérole. Voilà, ben c'est super. l'abus d'alcool est à consommer avec modération. Oui, on est en podcast maintenant, on peut. Oui, c'est vrai. Ah oui, mais on peut voilà, mais on ne peut quand même pas consommer de trop. Non, j'ai pas dit qu'il se faisait des comas éthyliques. Hein. Tu es un mauvais exemple. J'ai dit qu'il prenait l'apéro. Bon, l'ivrogne, lance l'émission là parce que. Ben, c'est parti. Start now. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est du direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoule, Jadoule, Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, Jadoule, Jadoule, dans la trappe. Jadoule, Jadoule, Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, Jadoule, Jadoule, dans la trappe. 3, 2, 1, tous les mercredis, la trappe avec Jadoul et toute son équipe en podcast. Wow. Bienvenue, on est là avec vous pour ce mois de juin. C'est la toute première du mois de juin. Yes. Comme quoi, hein, vous pouvez prier autant que vous voulez, on est toujours là. Ah oui. On s'accroche. Ils auront tout essayé, mais on est resté. Beaucoup de gens ont misé. Ouais, ça va pas durer plus de 6 mois ce truc, ça fait 2 saisons qu'on est là. Eh ben on est comme la gale. Très belle métaphore. On reste longtemps, on s'agrippe et on ne part pas. Ouais. Je sais pas si c'est la meilleure manière de vendre cette émission pour démarrer. La Molaire, dis quelque chose de sympa. Non, c'était pas beaucoup mieux ce que j'allais dire. On allait comme les poux, c'est dur à s'en débarrasser. Ok, Baptiste, tente un compliment sur l'émission. Oh, bah moi je vais rester du côté des puces, la femme du poux. J'ai eu peur quand t'as démarré avec le mot. Non, j'ai dit que je me calmais, donc c'est bon. Ouais. Voilà. De toute façon, c'est 2 solutions. Soit tu te calmes, soit c'est le CSA qui va te calmer. Bienvenue dans cette émission, on aura plein de choses. Oui, c'est une semaine très politique. Comme c'est une semaine politique, on a des candidats. On a de la politique qui s'est incrustée dans l'émission. On va vous présenter des gens pour qui vous pourrez peut-être voter dimanche. Okay. Car oui, il va falloir passer aux urnes si vous avez... à partir de 16 ans, je crois qu'on vote maintenant en Belgique. 18, non? 18, 16, 18, je sais plus. Il me semble que c'est 16 maintenant. 16? 16? Oui, il me semble que c'est plus tôt. C'est bien, on est bien calé. En tout cas, c'est nous qui... Bah, moi, en tout cas, à 16 ans, je votais pas. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es dans un village où ils ont pas l'électricité. T'as 16 ans, oui. Mais... Bon bref, vous avez au moins 16 ans le jour des élections. Ouais, ouais c'est ça, bah 16 ans, voilà. Les élections, c'est à 16 ans. Et donc, si vous avez plus de 16 ans, vous aurez peut-être des nouvelles idées pour vos votes dimanche. On ne veut pas vous influencer, on veut juste faire connaître tout le monde. Au sens large. Dominique Vegas, notre voyant, sera là dans quelques instants. Et pour l'interview combinée, qui c'est notre invité cette semaine, Kix? C'est un rappeur, c'est Mac Taylor. Dernière courva, dernière que ça, derrière tout ça, y'a du goût. Dernière résoie, dernière lobe, ça, derrière tout ça, y'a... Super. Ça avec des petits tirs de fusil, là. Ouais, ouais. Bien, avec le chargeur. Allez, attends. Tu me mets le son et moi je mets les coups de fusil, d'accord? Vas-y. Allez, attention, grosse coproduction en direct. Attention. Ah oui, merde, ton truc marche pas, c'est pas grave. Bon, vous savez quoi? On va juste parler de la journée mondiale du jour. Ouais. Vous savez c'est quoi la journée mondiale aujourd'hui? Pas du tout. Oh, mais enfin. Bah, à voir les petites fumées là-bas, je sais pas, peut-être Thuringer, Merguez, je sais pas. Journée mondiale de l'environnement. Ah, bon ah c'est aujourd'hui? Ouais, ouais. Et donc, qui dit environnement dit écologie. Qui dit écologie dit championnat du monde d'avions en papier. C'était le 1er juin. Il y a eu 400 participants en France, à Mérignac, ouais, de plusieurs lycées et tout ça. Ils étaient conviés pour s'organiser le championnat du monde de lancer d'avions en papier. Alors attention, ça se fait pas n'importe comment, c'est obligatoirement avec une feuille A4, blanche. Ah, tu fais pas ça avec des feuilles de brouillon, hein. Et tu dois... il y a le grammage aussi où on peut prendre ça. Ah bah oui, 80 grammes. Ah ok, voilà. C'est... ah oui, c'est sérieux. Record, 31,7 mètres. C'est... Attends, ouais. Combien c'est... 31,7 mètres. J'arrive pas à imaginer. Moi non plus, c'est... Ça a pas l'air attends. Ouf comme ça, mais à mon avis... Ouais, à mon avis, ça doit être bien. Quelqu'un l'a mis plus loin, 47,14 mètres. Ah, ça c'est loin ça, je pense. Ouais. Voilà. Ouais, super. Vous bon, savez faire des avions, on les, applaudit. Non. Non. Non. Non. Okay. Allez, alors, petite applause. Ouais. Pardon, ça c'est rien à voir. Vous avez choisi une émission pour vous divertir, pour vous amuser. C'est pas ici, mais on va essayer de faire notre mieux. Une émission aux oignons. Une émission aux oignons, comme dirait Kix. Je présente rapidement l'équipe qui est autour de la table ce soir. D'abord Baptiste, notre nouveau, bonsoir. Bonsoir. Enfin. Très en forme, là je suis chaud là. Oui, bah, il a des tétons qui pointent. Hein. Baptiste qu'on surnomme le Batoy. Oui. Non oui. Pas parce qu'il a une carrière dans le porno, mais pas encore. Parce que voilà, merci. Et à côté, tout aussi libidineuse, Maëva. Libidineuse, c'est pas gentil ça. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va, ça va et toi? Oui, très bien. Et le type là avec les lunettes qui me suit depuis 10 ans, mais je sais plus son nom. Bonsoir. Kix, ouais, Kix, c'est ça. Enchanté. Oh, bah, enchanté de bonsoir. Même. C'est Jadoul. En podcast. Comment t'oses dire ça à Kix enfin? Oh, quoi? Mais un peu j'ai de joie. Dit, moi. Oh. J'ai mais dit, non, mais enfin. Il entend le jingle, il fait oh, c'est déjà à nous. Oh, merde. Merde. Merde. Oh non, mais. C'était ironique. Non, oui, aussi, oui. C'était ironique. Ouais, ça... Eh mais soyez de mon côté, vous. Mais les gars, mettez-y de la joie, enfin. Mais non, mais en vrai, c'est génial. Bah oui, mais c'est qui? Pourquoi les gars? C'est Kix qui dit des bêtises et on se fait engueuler? Bah oui. Bah non. Vous êtes un groupe. Un travail d'équipe. C'est pas glorifiant. Tout à fait. Un travail d'équipe. Ouais. D'équipe. Ouais, et Kix, c'est le. qui pousse un peu vers. Le... Oui. Mais il ralentit le groupe. Hein. Ça, on le sait. Hein. Merci. Toi, dans les visites guidées, t'étais au fond, je suis sûr. Ouais. C'est la réunion des parents ici, par oui. Oui, oui, tu vas t'en prendre plein la gueule. Hein, c'est clair. Merci. On fait ton procès. On en est qu'au début. Hein. Bon, vous me trouvez des fois méchant. Bon. Bon, non. Alors, si tu veux, c'est toi qui vas sur le sujet. Non, t'es un amour. Merci. Déguisé en... Oui. En amour. Mais en fait, quand on creuse, on voit qu'il y a de l'amour, mais il y a une petite façade qu'il faut percer. Et... Chez moi? Non. T'entends quoi par là? Rien. C'est un peu comme une pomme. Tu sais, une pomme, c'est beau, mais parfois, il y a des verres. Allez, hop là, on coupe son micro. Très bonne métaphore. Un oignon, il y a des couches comme Shrek. Ah ben oui. Shrek, il a l'air méchant, mais en vrai, c'est vraiment un gars bien. Les gars, oui. Mon lancement c'était si des fois vous me trouvez cru ou méchant, vous m'avez fait 10 minutes sur moi là, ça va? Sympa l'équipe. N'oubliez pas qu'on est en fin de saison, c'est là qu'on réfléchit si on renouvelle ou pas. Ah oui. C'est... Voilà. Alors, des fois vous me trouvez méchant ou cru? Non. Jamais. Une alors là. En tout cas, si vous me trouvez méchant, j'ai besoin de vous faire écouter ça. Alors, Bacarts. Je vois assiette de bulot. Alors, assiette de bulot, j'en ai pas du tout, monsieur. Il n'y en a pas? Je n'ai pas d'assiette de bulot, monsieur. Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. Ah, ouais, lui, il est vraiment méchant comme patron. Le roi des méchants. Alors, c'est con. Philippe, il choisit sur la carte ce qu'ils n'ont pas. Ah, putain, c'est ce que j'aurais voulu prendre. Vous en avez habituellement? Alors, avant, on en avait, maintenant, on en a plus. Et pourquoi vous le gardez à la carte? Je suis pas le patron, je suis juste l'employé. Ah, d'accord. Vous savez pas. Oui, voilà de quoi faire démarrer Fifi. Hein. Allez, chef, s'il te plaît, change de choix. Entrecôte, pomme-grenaille et sauce anchois. On ne fait pas de pomme-grenaille, c'est des frites maison. Donc il n'y a plus de pomme-grenaille non plus. Il faut l'enlever. Il n'y a pas de pomme-grenaille. Non, on remplace sur des frites maison. Depuis quand? Moi, depuis que je suis arrivé, il n'y a pas de pomme-grenaille. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait deux ans. Deux ans et demi, je suis là. Il fallait pas dire ça. Je te jure, gars, vraiment, il fallait pas dire ça. Donc deux ans et demi, que vous servez la même chose, c'est ça? Monsieur. Oui, monsieur. Et je t'avais prévenu, hein, toi petit serveur, fais quelque chose pour lui parce que là ça devient chaud. On a les fameuses pâtes aux morilles et asperges vertes. Ah, ah ouais, c'est cool ça. Ça c'est excellent ça. Ouais, mais sauf que c'est pas la saison. Il n'y a ni morilles ni asperges. Vous les sortez d'où? Un conseil, serveur, barre-toi. Mais vraiment, vite, en courant. Voulez-vous un petit apéritif d'abord pour commencer? J'aime bien. Le mec fait diversion. C'est, prends un apéritif. Il se fout de sa gueule. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Bien joué. Bien vous bien entendez joué. Il parle comme si le mec était pas là, face ouais. à lui. Il dit des trucs comme ça. Mais en fait, le mec, là, il t'entend, hein, Philippe. Il commente, il est gentil, il est bon. Allez, un mot sympa. S'il vous plaît, monsieur Etchebest, avant la fin, avant de partir. En tout cas, cette carte ne me donne pas très envie. Elle est comme la déco du resto. Elle n'a aucune identité. Ok, c'est pas grave. Laissez tomber, merci. Au revoir. Jadoul en podcast. C'est comme un pare-soleil à ventouse sur une belle voiture de luxe. Ça dénote. Et c'est une faute de goût. Mais ça nous fait bien marrer. Mercredi, Jadoul. Oh. Est-ce que tout le monde va bien? Alors, oui. Ah. Ça va, ça va. Et toi, Jadoul? J'avoue. C'est vrai que rares sont les personnes à me poser la question. Et Maëva répond toujours à ce critère. Oui, mais je l'épaule. Hein. J'ai... C'est ça. Ah bon? Tu lui souffles. Demande à Jadoul comment il va. Ouais. Mais moi, ça m'inquiète. C'est vrai? Oui, et je crois que tu me faisais la tête tout à l'heure. Oh, Mais tu me réponds OK sans rien, sans petit smiley, sans petit. On en parle, celle qui met des pouces? Oh, oh les... Un pouce et un point qui suit. J'ai pas fait exprès. Un hockey contre un pouce là, ouh, gros duel ici. Oui, mais c'est pas ce que tu crois, Jadoul. Tu me réponds, je te mets un clin d'œil. Hein. Non, non, surtout pas. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne comprennent pas de quoi on parle, le clin d'œil et le pouce sont littéralement un ta-gueule dans ah les oui. messages. Ah oui, oui. Et il faut l'éviter. Si vous envoyez un pouce ou un clin d'œil, ça veut pas dire oui, ok, j'ai vu, à moins que vous êtes un daron de très âgé. Bah, même le hockey, hein. Le ok, non, ça va, ok. Wow. Non, bah. Juste ok, c'est un peu à ta gueule aussi. Bah, quand même, un okay. petit smiley, tu vois, ok, smiley. Ou moi, je te mets ok. Ok, c'est que c'est un peu mignon, ça fait quoi. Pute. Bah, ok. On dirait qu'il y a un petit cœur sur le i, ça va. À un moment. Non, mais alors, franchement, ok, quand ça vient de ton patron, ça va. Le pouce, par contre. Ça fait vraiment, j'en ai rien à foutre, quoi. Et alors, le majeur, je vous dis pas. Non, mais ça, tu dis pas, Kix. C'est très franc. Pas. Hop, directement. Ah, on ne peut pas. Dans le nez. Monsieur ultra violent. Vous êtes une bande de violents dans cette équipe. Ouais. Pensez aux gens gentils qui nous écoutent. Ils ne sont pas tous gangrénés comme vos cerveaux pourris, là. Qui mettent des hokies comme moi. Non? Personne? Non. Ah, ok. Bon. Allez, on va jouer. Nous jouons aujourd'hui au qui est fauché. Trois indices pour découvrir la personnalité qui n'a plus d'argent. Je suis né au Portugal. J'ai un énorme et magnifique coquelicot tatoué sur l'épaule. Maëva. Non, c'est pas Maëva. Le banana split est mon dessert préféré. Lio? Lio, bonne réponse du Poitou Charente. Oui, Lio. Lio, elle a plus d'argent. Oh. Lio, là, c'est la banqueroute. Bah, oui. Là, c'est compliqué. Sur son compte Instagram, elle a publié une vidéo, elle lance un gros appel au don. Enfin, elle lance un appel à un truc qu'elle n'a pas compris elle-même. Elle le dit, hein. Mon équipe m'a dit de faire une vidéo, j'ai pas tout compris. Bah, bon, si vous comprenez, cliquez là. Ou là. Ou là-bas. Ou là-bas. Son idée, son rêve, lancer son propre disque sur lequel elle travaille depuis 2010. Son problème, c'est qu'il faut des sous pour le faire. Et donc, elle fait une cagnotte, un financement participatif pour son avenir joyeux qui en dépend, je la cite. Alors, pas de problème. Mais là, c'est un peu le moment où, vous savez, elle envoie chier les diktats. Ouais, ouais, les maisons de disques, ces voleurs. Oui. Tu imites bien Lio. Oui, non, je ne sais pas si elle l'a fait comme ça, mais en tout cas, ouais, c'est chaud. Vous feriez un petit don pour Lio? Non. Même pas une banane. En fait, moi, je ne sais pas qui c'est, Lio. Celle qui chante banana. Mais c'est elle qui chante ça, enfin. Elle. C'est Coolio. C'est celle qui a montré ses seins au Limitoque TV belge. C'est pas vrai. Ah oui, elle, il y a pas longtemps. Si, si, c'était horrible. Et je pense d'ailleurs que tout son argent est parti dans sa poitrine. Ah oui. Donc si, peut-être que si elle enlève un petit peu de chaque côté, de ses nénés, il y a moyen de sortir un album, moi je vous le dis. Hein. Il y a quelque chose. Oui, au moins. Bah bravo, Maëva qui casse le studio comme d'habitude. Ah là là. C'est pas de ma faute, c'est le truc qui dépassait. Mais c'est vrai, je vois pas l'intérêt par contre de Lio de montrer voilà, son haut. Mais elle a toujours été un petit peu folle. J'ai jamais apprécié Lio personnellement. Donc elle a fait juste Banana Split? Non, elle a fait aussi Fallait pas commencer. Vas-y, chante nanana un peu. Nanana. Vous savez, ça, là j'étais parti chercher le son de Lio. Vous me faites honte. Pourquoi? Vous faites honte. Mais pourquoi? Tu l'as croisé en chemin? Ça, mais non. Ah, mais je la chante, la chanson, je me donne pour les... Passez-moi le jack, là, que je vous fasse écouter Lio, là. Mais enfin, c'est une radio libre ici ou quoi? Attendez, on est retourné à quelle époque, là? Oh. Lio, voilà, hop, petit coup de recherche. Voilà, hop, merci, je le mets. Voilà! Ça te dit rien, ça, Baptiste? Ça rappelle un peu le camping, ça. Oh. Si, ça. Banana. Oh là là, d'accord, ok. Mais c'est vrai que c'est. Ça me lèche bouche bée. Les patrons sont ravis. Oui, ça. Mais il faut savoir qu'elle était super jeune quand elle a chanté ça. Et elle ne savait pas le double sens de la chanson Banana Split, parce que soyons clairs. Elle s'est fait couillonner. Mais voilà, et c'est peut-être pour ça qu'elle est devenue si vulgaire avec l'âge et qu'elle monte ses seins maintenant. C'est parce que quand elle était gamine, on lui a fait chanter une chanson sur le sexe alors qu'elle comprenait que dalle. Voilà, c'était mon petit moment. Et maintenant qu'elle comprend, elle se met à poil. Pauvre Lio. Merci Brice. Et ça, tu connais? Ah oui, les brunes, quand t'as pour prune. Non. Voilà, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Je ne connais pas du tout. Même au camping, il la mettait pas, ça. Non, enfin, mais Baptiste, s'il te plaît, respecte. Même au camping. Baptiste, c'est ta deuxième émission, tu peux pas dire tout ça. Désolé, Lio, si tu nous entends. Bon, écoutez, on va faire une petite réunion avec Baptiste. Et le reste de l'équipe, d'ailleurs, hein, vous êtes tous convoqués. On revient dans un instant. Oui, c'est bien. Allez, on diffuse une pub, on revient. Allez. Merci. Et voici maintenant la publicité intelligente de Radio Falminioul. Cette diffusion nous aidera à payer l'électricité et bien sûr aussi le courant. La solitude vous pèse. Vous recherchez un grand marabout médium. Monsieur Samuel, médium très puissant. Don de l'émessence pour un résultat rapide et garanti dans la semaine. Travail sérieux. Avec lui, tout est possible. Spécialiste du retour de l'être aimé ou qui vous est cher. Amour perdu, fidélité absolue entre époux, protection contre les dangers, désenvoûtement, chance au jeu, impuissance sexuelle, commerce ou entreprise en difficulté, vente, examen, concours. Discrétion assurée. N'hésitez pas à contacter Monsieur Samuel, travaille aussi par correspondance et déplacement possible. Reçoit 7 jours sur 7, de 8h à 8h30. Téléphone 0492 87 94 54 18 27 74 dans le Nanurwa et à Bruxelles. Voilà, bah avec ça nous autres, on pourra tenir une semaine de plus. Bonne écoute de la suite du programme. Jadoul. Tu chantes bien, Luce, quand tu t'y mets. Oui, hein, quand j'ai ma voix qui revient, pas de soucis. C'est quoi la... Non, j'ai répété 18 fois. C'est quoi les métaux aérosagophilie? Tu me le refais comme si on n'était pas en direct, on coupera ce moment de qualité. Ok. C'est quoi les métaux aérosagophiles? Alors je dirais c'est un détecteur de métaux qui fait saigner. Non mais je vais tout de suite vous donner un indice. Moi je donne ma réponse. Merci, merci. C'est une collection. C'est collectionner quelque chose. Quoi? Sago. Donc attends, je reprends. Emeto aérosagophilie, qui c'est une idée? Il y a Sago, peut-être Saga, peut-être quelqu'un qui collectionne les sagas. Pas du tout. Wow. Jadoul? Quelqu'un qui collectionne les... C'est un ferrailleur. Pas du tout. Baptiste? Emeto, c'est pas le sang? Ah non, ça c'est hémato. Ouais. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble au sang, quelqu'un qui... Pas du tout, vous y êtes pas. C'est la collection de sacs à vomi non utilisés. Voilà, ça existe vraiment. Ah oui, hémato, oui, oui, je connaissais. Et ça, parce que je vous explique. En gros, c'est le néerlandais Nick Vermeulen, qui est depuis 1986... C'est sûr qu'il est anglais. C'est chinois, Nick Vermeulen. Néerlandais. Et depuis 1986, c'est lui qui est dans le livre Guinness des records, celui qui en a le plus. Il en a 6165 qui viennent de 800 différentes compagnies d'aviation. Parce qu'en fait, c'est les petits sacs qu'on met dans les compagnies pour quand tu vomis. Ils ont le logo à chaque fois. C'est ça. Et bien lui, il en a 6165. Il peut aller au Pain Quotidien ou chez Panos, ils ont aussi des sachets pareils. Hein. Ben, peut-être qu'il en a, vu qu'il a que 800 compagnies, donc ça a peut-être d'autres endroits. Ils sont remplis? Non, parce que la collection. Non, la collection de sacs de vomi non utilisés. Ah! Et tu conserves quoi? Dans le formol, ça? Mais enfin... Au congèle. comme ça, tu peux réchauffer... Les enfants, vous voulez des glaces? Attention, il y a les sacs à vomi. Hein. Enfin, les gars. Ce qui me perturbe, c'est qu'il a pris 6000 fois l'avion, alors, minimum. Mais non, parce que... Mais il veut rien. Je pense pas que ça vienne que d'avion, mais en tout cas, lui, il en a de 800 compagnies d'aviation. Mais est-ce que c'est la chaleur qui vous fait ça, monsieur? Après, j'ai pas personnellement parlé avec Nick Vermeulen, mais voilà. Et on l'embrasse, Nick Vermeulen, qui évidemment est anglais, hein, ça coule de source. Mar Netherlands. Sprig Netherlands. T'as tout à fait. Non, ça c'est pas. Tu pètes pas un mot néerlandais comme je vois. Je sais même pas dire bonjour. Goeiedag. Ah oui, voilà, c'est ça. C'était sûr. Et au revoir, c'est Tot ziens. Oui. Notamment, oui. Aussi. Notamment. Entre autres. J'ai une grande liste. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Le son ne va pas assez fort. Oh, c'est pas terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus. Désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis, on va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. En podcast, tous les mercredis. Notre voyant bien-aimé, Dominique Vegas, est là pour débuter le Vegastral. Bonsoir Dominique. Bonsoir Jadoul. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous parler. Comment ça Dominique? Bien sûr que vous devez nous parler même. Vous vous faites venir dans cette émission pour la séquence de voyance, donc on y va, allez-y. Non mais c'est-à-dire que je me suis inscrit en politique, vous voyez. Ah! Ah oui. Ah oui, du coup, on peut plus du coup. On peut plus, on doit vous retirer de l'antenne. Ben ou alors vous donner un temps de parole. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on n'aura pas de voyance aujourd'hui, donc... Disons qu'aucun autre média ne m'a contacté pour faire ma campagne de pub, donc si vous le voulez bien... J'aimerais vous faire part de mon programme. Afin de respecter le temps de parole et la diversité politique dans les médias, des mesures gouvernementales nous imposent de diffuser ce spot promotionnel dans le cadre des élections du 9 juin. Blablabla. Voici une publicité pour un politicien. Mes chers électeurs, vous cherchez une lueur d'espoir dans le tumulte politique? Vous désirez un peu plus de piquant dans votre vie? Ne cherchez plus, je suis là, Dominique Vegas, candidat aux élections 2024. Je suis votre voyant politiquement incorrect, mais toujours sur la bonne voie. Avec moi, l'avenir est aussi clair que mes boules de cristal. Ensemble, faisons rougir la concurrence en leur donnant des gros coups de fouet. Venez goûter au plaisir du PPL, où les débats sont aussi sots que Michael Moron dans le film 365 jours. Votez Dominique Vegas sur la liste du PPL, le parti politique lubrique. Je sais pas si on doit vous remercier ou vous dire à bientôt, Dominique. On se revoit après les élections. Bien sûr. On passera à l'urne, on insérera notre... Enfin, laissez tomber. Oui, affairé, bien sûr, sans aucun souci. Oui. Au revoir, soleil. Bonsoir, la lune. Ils ne savent pas articuler, ils n'ont pas un physique facile et ils ne comprennent pas grand-chose. Oui, ils ont toutes les qualités pour être partout en podcast. C'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Interview combinée. Combinée. Enfin combinée, étant donné qu'on va combiner les réponses de notre intervenant avec vos questions qui sont censées être plus drôles que celles du journaliste sérieux de base. Après, l'important c'est de participer. Non, l'important, ça... Alors, la molaire. D'accord. Hein, voilà. On souhaite la bienvenue à notre invité, hein, on l'a pas choisi. C'est le rappeur Mac Tillet. Général. D'accord. Général. Général. Général Mac Tillet. D'accord. C'est quoi ta passion dans la vie ? Écrire la poésie avec un soupçon de littérature brutalisée. Ok. tu saurais nous faire un petit aperçu a cappella ? Ça y est, j'ai niqué la France, je suis refait. On a trop souffert, très jeune, j'ai connu l'ulcère. Tu crèves d'un cancer, c'est la maladie du crabe. Tu parles seul dehors, c'est la maladie du rap. Baptiste ? Il a pas peur de dire les termes. Ah, c'est un poète, voilà. Ça c'est waouh. Ah, c'est charmant ça. Et si on le met en musique ? Ça y est, j'ai niqué la France, je suis refait. Ça y est, j'ai niqué la France, je suis refait. On a trop souffert, très jeune, j'ai connu l'ulcère. Tu crèves d'un cancer, c'est la maladie du crabe. Non, ça va, oui, c'est bon. N'oublie pas d'aller voter, hein. Chez nous en Belgique, c'est ce week-end. J'ai jamais voté, rien à foutre. D'accord, allez. Mais on peut pas dire ça à la radio, donc on va répéter, c'est important d'aller voter. Hein. Dernière courbe, dernière cosa. Ouais, ça va, c'est bon. On y va. On n'est pas là au final pour ce rappeur, on est là juste pour s'amuser. Passez un bon moment avec la première question, Baptiste. Oui, dans ton dernier album, tu cites « Ce pantalon est si serré qu'on peut voir sa religion ». Une explication à cela ? Il n'y a que ceux qui connaissent cette vie-là qui peuvent comprendre ma phrase, quoi. Ah, en plus, tu t'es renseigné sur le mec et tout. Ouais, wow. Bien sûr. C'est... Il travaille plus que nous, c'est dingue, ça. Ah, c'est parce qu'il est nouveau, ça. Hein. Journaliste, c'est une vocation. Moi aussi, au début, je faisais des recherches. Après, on finit comme ce mec, là, près du radiateur, là, il fout plus grand-chose. C'est bonjour. Ça vient pas du tout. T'attends que je parle, coucou. Merci. Je suis ravi. Maïva. Devoir se maquiller en voiture à 120 km/h sur l'autoroute parce qu'on est en retard. Il y a que ceux qui connaissent cette vie-là qui peuvent comprendre ma phrase, quoi. Ouais. Non, non, non, non. Moi, j'aurais juste dit... C'est une catastrophe. Oui, aussi, peut-être. Maïva a déjà conduit sa voiture comme un tank. Alors, tout en appliquant du blush. Tout en se maquillant, tout en écoutant du Elvis Presley. C'est ça que ton visage est imprimé dans le plafond. À chaque fois qu'elle freine, bam. Sur le pare-brise, en fait, il y a tout son visage. Mais enfin. Quelle horreur. Enfin, quelle horreur. Non. Bon, enfin. Je te permets pas. Quelle mauvaise personne. Non, mais vous la connaissez pas, hein. Vraiment, Maëva, c'est très impressionnant. Elle est dans sa bagnole, elle est à 130 km/h avec... Love me tender, love me true. Tranquille, mais il n'y a aucun problème pour elle. Et après, hop, ça y est, elle passe à 140 et... Wise men say. Complètement cinglé. Mais ça me relaxe, moi, Elvis. Oui, oui, mais ça relaxe pas les radars. Ah, j'en ai pris un il y a pas longtemps. Ah, c'est bien, on te le remboursera pas. Kix. Entendre le réveil sonner dans nos têtes, mais ne pas se réveiller. Il y a que ceux qui connaissent cette vie-là qui peuvent comprendre ma phrase, quoi. Moi, tu sais ce qui me réveillait ? Non. À force qu'il sonne durant 40 minutes, c'est les voisins qui venaient sonner. Oh, et c'est ça qui me réveillait. C'est instable. Trop bien. C'est vrai, ça ? Mais j'entends pas, moi. Le réveil peut sonner autant qu'il veut, j'entends pas. Oh mon dieu. Tu sais que ça existe des espèces de bracelets que tu mets qui te font des décharges. Baptiste, question 2. Alors, je t'ai vu discuter avec Tedesco. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur Courtois ? Tu l'apprivoises pas. Ah ouais. J'ai pas la ref. Moi non plus, j'ai pas la ref. C'est qui Tedesco ? Alors Tedesco, c'est l'entraîneur national belge. Bon, généralement, quand il faut expliquer la blague. Hop, on n'en parle plus. Un petit coup de combiné, ça fait pas de mal. Deuxième. Dobby, mon chihuahua. Tu l'apprivoises pas ? Ah non. Bon, j'aurais plutôt mis la troisième, là, c'est une catastrophe aussi. Une catastrophe ? Voilà, merci. C'est pas un chien, son truc, c'est un espèce de... Un rat, ouais. Mais un rat mignon. Non, mal famé. Un essai. Un échantillon. Tu l'as volé dans un laboratoire, ton chien. Mon fils. Ouais, ton fils. Un projet, c'est quand un projet. Quand on voit l'arbre, on s'étonne de la pomme, hein. Elle est tombée sur une racine. C'est positif ou c'est négatif, ça ? Ah non. T'es une fille... Tu as un très bel arbre. Oh, wow. T'as un beau feuillage. Tu es un beau tronc. Merci. Mais la pomme, si c'est ton fils, Dobby, je peux te dire que le fruit n'est pas le plus... Allez, Kix, pourquoi c'est impossible d'inviter Gérard Depardieu? Tu l'apprivoises pas. Ouais. Ouais. Ouais. Ok. C'est moi qui me le prends. Non, Kix aussi, t'inquiète. Ah, ok. Il ouais, partage. Je le prends à deux. Okay. Oui. Voilà. Troisième et dernière question, s'il vous plaît, brillez. Vous avez la réputation de l'émission pour ce qu'il en reste. Baptiste. Alors, que penses-tu de l'orthographe des gens sur TikTok? C'est une catastrophe. Bien, bien, monsieur. Ça, c'est vrai, ça. Ah. Et pas que sur TikTok, d'ailleurs. Yes. Maëva. J'ai ressorti mes vêtements d'été. Il n'y a que dans mes claquettes que je rentre. C'est une catastrophe. Ouais, je ne vous en parle pas. Waouh. C'est possible de ne pas rentrer dans ses claquettes? Bah écoute, je ne suis pas encore. Je te dis au courant. Je connais quelqu'un qui a fait un bypass, qui a perdu une pointure. Hein. Mais on peut pas faire le bypass quand on n'est pas assez gros. Mais pas toi, mais je parlais pas de ça pour toi. Merci, parce que j'allais dire, j'en ai pas l'air, mais j'ai pas le gros bypass. Enfin, je pense pas. Et tu t'es renseigné? Non, mais on me l'a déjà dit que. Mais arrête, elle était magnifique. Merci. Si j'avais ta poitrine. Kix. Tu la toucherais tout le temps. Pardon. Je vais recevoir soit un message du CSA ou de l'IO. Voilà, c'est déjà fait pour nous. Hein. Que penses-tu de la nouvelle coiffure de l'IO? Voilà. C'est magnifique. Catastrophe. Bah, elle est juste rasée, elle a les mêmes cheveux que toi, c'est tout. Elle est ric-rac, quoi. Elle est 5 mm. Alors, un, je suis pas rasé. Et deux, Kix. Non. Mais t'as pas de cheveux, là. T'as pas fait d'efforts. Mais bien sûr que tu es chaud, aucun projet, arrête. Si il a pas mis sa casquette, ça veut dire qu'ils sont pas assez longs. Donc. Voilà. Mais. Kix est chauve, tout le monde le sait. Voilà, j'ai une belle calvitie que je partage avec tout le monde. Non, bah alors, sérieusement, il faut décrire aux auditeurs parce que c'est de la radio. Il n'a pas de calvitie, en revanche, il a juste des cheveux à 5 mm partout. Il n'y a pas de créativité, c'est juste qu'il a les cheveux courts, quoi. Mais. Attends. Et ils sont gras. Bon, L'actu connecté et les dernières tendances, c'est avec Jadoul. En podcast. Ah, j'aime bien ce moment, c'est le moment où on joue avec la molaire. Ah, arrête de m'appeler comme ça. Mais non, mais allez. J'en ai marre d'être une molaire. Tu sais ce que ça symbolise? Que je vais me marier avec un dentiste? Non. C'est bien, avec une souris. Tu es la dent la plus forte de ce dentier. Oui, ben c'est bon, stop, arrête, j'en ai marre. Stop. Tu en imposes. Je voudrais être l'incisive. De ton efficacité. L'incisive qui enfin tu vois. Qui coupe. Qui coupe, qui est tranchante, qui est... Non, ça c'est toi. Ça semblait bien. Moi je suis la carie. Oui. Baptiste la langue, hein, parce que... Je prends. Allez, sur cette belle ambiance. C'est belle métaphore. Ah là là, on est sur des trucs encore super. Je vous propose que l'on fasse... Mais vas-y. Mais lance le truc, la réponse est dans le truc. Ok, Boomer, Maëva nous fait les trois infos qui nous feront briller ou pas en société demain. On commence par quoi? Mais je vous fais deviner quel réseau social part en couille. Alors, c'est pas pour la volonté. C'est une politesse cette émission. Non, tu verras que c'est un jeu de mots parce que c'est pas pour la volonté d'être vulgaire. Ah. Il y a un sens à dire ça. Moi. Kix. Snapchat. Pas du tout. TikTok. Baptiste. Non plus. Bon, moi je dirais Twitter, ils font que de la... Ça n'existe plus Twitter. Oui, X. Exactement. Ah, je suis dans le bon. X. C'est anciennement Twitter, du coup ça autorise désormais officiellement les photos et vidéos érotiques ou pornographiques. Super. Voilà, dans le plan d'Elon Musk de rendre ce réseau social en le transformant en un espace totalement libre d'expression, quitte à réduire la modération des contenus, mais maintenant on peut mettre du porno. Au moins X porte bien son nom. Oui, voilà. Oui. Et alors d'après beaucoup, cette annonce n'est pas non plus une nouveauté, parce qu'il paraît que je ne suis pas dessus, mais il y avait déjà beaucoup de contenu pornographique. La seule différence, c'est que maintenant, on enlève le stress de partager une bonne dick pic, sur X, en toute légalité. J'ai un ami qui a X, qui du coup m'a raconté que... On connaît Maëva, on connaît. Voilà. On connaît, hein. Si vous voulez suivre Maëva, son compte s'appelle @ Je ne suis pas sur X. La Momo. La Momo. Moi, je ne suis pas sur X. Bref, c'est bon pour vous? Oui. Oh la vache. Suivant. Next. On reste sur le même thème au final. Quel type de zizi sont interdits? Bravo, super. La langue de Molière. C'est pas moi, bravo. C'est l'actualité. On peut parler? Oui. On ne force à être vulgaire aussi. T'as faim? Qu'est-ce qui se passe? Mais pas du tout. C'est l'actualité. Je te jure que c'est l'actualité. Ouais. Donc, quel type de zizi sont interdits à Playa d'Aro en Espagne? Il est que 20h51. Mais dis, ah vas-y, c'est pas un gros mot. On a... C'est vrai que dans ta bouche, ça va. Voilà. Donc. Oh, oh, non, mais on a tous pris deux secondes à réfléchir et puis on a fait. Oh, oh, oh, là. Bref, qui c'est une idée Peut-être ceux qui ont peur de se mouiller, je sais pas. C'est n'importe quoi. Bah, truc playa. T'essayes même pas, Kiki. Mais si, playa, peut-être que. Moi, je dirais que c'est simplement la protection des animaux. Les chats non castrés sont interdits à la playa, machin, en Espagne. Playa d'Aro, non? Non, moi, je dirais la playa, c'est peut-être les bouées en forme de zizi en plastique. Ah ouais, il y en a beaucoup, ça. Tu te rapproches. Alors, c'est pas les bouées. Moi, quand je vais au Cap d'Agde. Non, laisse tomber. Les vacances avec mamie. Mais enfin. Donc, on n'a pas la bonne réponse. Ah. Mais lui, là, il y est presque quand même. C'est pas les bouées, c'est les costumes de zizi. Fini les costumes de zizi. J'y étais presque. Parce qu'en fait, c'est ce village, donc Playa d'Aro, sur la Costa Brava, qui est de plus en plus touristique. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de gens qui vont faire leur enterrement de vie de jeune fille, de jeune garçon. Et donc, du coup, ils arrivent avec des costumes de gros zizi. Et donc, le maire, il a décidé que c'était pas possible. Donc, depuis le 27 mai, pour limiter en gros ces comportements, on ne peut plus se promener en zizi, sous peine d'une amende allant jusqu'à 1 500 €. Voilà, le but est en gros d'améliorer la qualité de vie des résidents. Voilà, ça fait cher le zizi quand même. Oui, voilà. Et d'éviter les comportements inappropriés. Moi, tout ce que je retiens, c'est que je suis allée 10 jours l'été dernier à Playa d'Aro et que j'ai pas vu un seul zizi. On termine avec un thème. La transition est bien aussi. Wow. Non, c'est vrai. L'été dernier, c'est vraiment là-bas, pile là que j'étais. Et aucun zizi en costume. Aucun zizi en vie. On termine avec un thème un peu plus léger. Quel film d'animation vient de gagner un record? Vice-versa. Non. Non, mais ce record-là, il l'a battu il n'y a pas longtemps. Tu chauffes. Jadoul? Je dirais Harry Potter pour le truc le plus chiant et long de la Terre. Film d'animation. Nombreux. Et de où c'est chiant Harry Potter, c'est... Ah, bon, c'est pas un film d'animation. Non, c'est bon, pas. Bon, alors je te dirais l'autre. Hein? Merci Jadoul. Vice versa 2 peut-être. Vice versa. Je sais pas, le film Bob l'éponge. Non plus. Okay. Juste regarde Bob l'éponge. Vaiana 2. Vaiana. Ça sort au cinéma le 27 novembre et la bande-annonce vient de sortir. Et Disney a réalisé un nouveau record de vues en l'espace de 24 heures. La bande-annonce a été vue 178 millions de fois. Voilà. Ah, les fake news ici. Et du coup, le record avant, qui c'est qu'il tenait, c'était Vice Versa 2. Ok. Voilà. Et avant, La Reine des Neiges 2. Mais donc, du coup, c'est Disney qui a toujours ce record-là. Rien de nouveau sous le soleil. Pas vraiment ça. Bah si. Vaiana. Oh, j'étais pas dans les temps. Vaiana, appelle-toi. Que Maïva bafouille à fond. Allez, on se souhaite. Mais t'es méchant. À fond. Mais moi, je me trompe pas sur mes boutons, moi. Oh. Tu veux venir réaliser? Non. Viens. Non. Viens. Non. Mais je sais lancer une musique et un tapis, c'est tout. Tu sais lancer une musique et un tapis? Oui. Mais c'est pas ton tapis si les gens ils comprennent pas. Hein. Mais là, on entend une petite musique sur laquelle on parle. Ça s'appelle un tapis. Ah là, tu l'augmentes, on n'entend plus. Alors on baisse pour parler dessus. C'est une petite prod de rap. Wow. En fait. Bon voilà. C'est pas aujourd'hui qu'on apprendra à faire de la radio avec Maëva. Vous allez jouer en 3 manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de 3 indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre, une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces 3 sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du festin, à table festin. Tout le monde a bien son buzzer, comme d'habitude. Je vous vois chercher. J'aime bien. Oui, mais bien sûr qu'on j'aime a nos bien buzzer. Vous avoir. Tu veux que je teste mon buzzer? Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Un petit coup de buzzer. L'équipe? C'est dans quoi le buzzer? Oh là là, mais c'est pas vrai. Ramenez vos buzzers à la maison, s'il vous plaît. Attends, il y a un truc qui s'appelle buzzer. Je suppose que c'est. Waouh! Wow. Oh, il a pris des hormones. Je suis jalouse de celui de Baptiste. Celui de Baptiste, il fait peur. Remets-le un peu, tiens, Baptiste. Beaucoup de testostérone. Hein, c'est tout l'inverse de lui. On comprend pourquoi il pointe. Bon, on commence. On commence la première manche avec cette première personnalité à trouver. On va couper les sons. Ah bah, on va couper les sons. J'avais pas ouvert la tranche. C'est pas grave. Donc voici le premier indice. Oui. Mathieu Delormeau. Ouais. Ça, ah, c'est voilà. Une très bonne réponse. Merci. Ah, bah, voilà. Est-ce que vous voulez le jeu est bah, le seul qui a présenté le mag d'Energie 12, c'est Mathieu Delormeau. Donc, ouais, ils étaient à deux à présenter. Hein. Oui, mais c'est surtout lui qu'on a retenu. Oui, enfin, tu vois, oui. Mais ça va pas si tu mets que des gens que Jadoul connaît. Bah non, c'est des gens du monde. Mathieu Delormeau. Je peux. Moi, je cherche une image. Bon, voici le deuxième indice. Oui. Les indiscrétions People sont dans TPMP People. Voilà, TPMP oui. Présenté par Mathieu Delormeau. Bon, deuxième personnalité à deviner. Voici le premier indice. Merci au groupe Martinique Express et bonsoir, bonsoir à vous tous. Vous pouvez le constater ce soir, notre ami Guy Lux n'est pas là, il est parti prendre quelques jours de repos bien mérités. Ah, oui. Il était également, notre ami Guy Lux, retiré un Oscar, mais oui, l'Oscar de la presse et de la télévision marocaine au titre de meilleur présentateur de la télévision française. Un Oscar bien mérité. Je connais cette voix. Ah, je connais cette voix, c'est pénible. C'est pénible. Ça ne me dit rien du tout. Bah, comme personne de là, on va aller sur le deuxième indice. Oui. Hein. Deuxième indice. Samedi. J'ai la nouvelle élection Miss France. Oui, c'est Jean-Pierre Foucault. Ha. Ah, j'allais dire ça aussi, mais c'est une très bonne réponse. C'est Jean-Pierre Foucault. Mais tu sais, quand j'ai entendu parler de Miss, je me suis dit, mais non, c'est pas sa voix. Non, mais Miss France. Bah oui. Et aussi, je l'ai vu. C'est sa première interaction en direct. Ah ouais. Oui. On a entendu. Qu'on a entendu, donc celui-ci. Merci au groupe. C'est Jean-Pierre Foucault. Ça, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Mais la télé n'existait pas, lui, quand il a commencé. C'était en 1800. Merci Guy Lux. Bon, dernière manche. On va rendre hommage à Antoine Libotte. Qu'on embrasse. C'est devenu un gimmick. Dernière manche, troisième personnalité donc à deviner. Voici le premier indice. Florence Boccolini. Jérémy Ferrari. Bah, c'est un indice ça, ou c'est un torchon? Ou c'est juste la réponse? C'est un torchon indice. Allez, vas-y, deuxième. Deuxième indice. Jadoul. Laurence Ferrari. Wow. Ça existe? Mais c'est un. Ça existe. Enfin, les gars. C'est la nouvelle voiture de chez Ferrari ou quoi? Attends, je tape sur Google. Laurence Ferrari, elle a fait des années le JT. Enfin, c'est génial cette meuf. Elle est une très bonne animatrice. Et le troisième indice que j'avais pour ça. On dit que cette période à la tête du 20h, c'est pas forcément le moment préféré de votre carrière. Oui, non, c'était pas le moment préféré de ma carrière. Oui. Non, bon. Parce que trop de pression. Oui, trop de pression. Voilà, trop de pression. Puis c'était écrasant au quotidien. Quand on est médiatisé à ce point-là, voilà, il y a une pression en dehors du travail. Déjà, ça. Tu m'as coupé ça. Bah, tu nous as explosé. T'as fait un sans-faute, Jadoul. Ouais. Un sans-faute, c'est Jadoul qui a gagné, bravo. C'est moi qui gagne. Eh oui, j'ai même le droit de changer la musique de victoire. Bien sûr. Bon, attendez. Mais Elvis Presley. Vas-y, alors, fais l'annonce du gagnant, Kix, vas-y, vas-y. Et le grand gagnant est... Jadoul. Ouais. Ah. C'est pas une chanson de victoire. Hein, non, refais-le. Et le grand gagnant de ce FaceTime est... Jadoul. Là on est de nouveau en kermesse. C'est très bien. Non, fallait pas parler de kermesse. Ah oui, c'est le retour de la fête foraine. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Toujours comme ce monde. Attention monsieur, ça va redémarrer. Tous les mercredis, c'est la trappe. Tous les mercredis, c'est Jadoul et toute son équipe. Partout en podcast. Bonsoir, bienvenue, merci de nous avoir choisis. On est avec vous. Radio Falminioul va pirater nos émetteurs d'ici quelques instants. Ils n'ont plus l'argent de diffuser eux-mêmes leur propre station. C'est pour ça que nous, on est généreux. On ne regarde pas la dépense, on ne regarde pas la perte d'audience. Ça, c'est grave. On leur donne l'antenne. Ils feront ce qu'ils veulent. Malheureusement. On aurait aussi un top 5, top 10 même. Des villes les plus accueillantes. Si jamais vous réservez vos vacances, tout ça, c'est un vrai truc, hein, c'est pas une blague. On va vraiment découvrir quelles sont les villes les plus sympas. Maëva nous parlera de quoi d'ici quelques minutes? De politique. Oh non. Non, mais alors, version cool. Ah. Je vais vous aider à trouver pour qui voter si vous ne savez pas. À l'aide de petites applications sympas, des petits tests. Très bien ça. Oui. Grindr. Mais écoute, rigole pas, ça ressemble vraiment à une appli de rencontre. Ah ok, d'accord. Bon, on en parle dans un instant. On aura aussi le retour de Jean-Michel. Wow, sérieux ? Jean-Michel, notre ivrogne. On est la seule émission, on dit trop bien quand on aligne tous ces mots dans une phrase. Mais Jean-Michel, notre bon vivant, qui vient d'ailleurs de sa propre taverne, étant donné qu'il est gérant chez Jean-Michel, c'est son établissement. C'est ça. On le retrouvera d'ici quelques minutes et sur les coups de 22h, notre habituel blinklette. Ouais. Avec toutes les reprises qu'il fallait louper de TikTok, qu'on vous a regroupé pour faire un blind test avec des gens qui chantent approximativement. Le but est de retrouver les vraies chansons originales qu'il y a derrière tout ça. Avant ça, les inflops. On démarre avec cette première. En Espagne, Daniel, un voyageur, s'est vu réclamer un supplément de 70€ par une compagnie aérienne pas chère, qu'on connaît tous. Sa valise, qu'il dit utiliser depuis plusieurs années pour prendre l'avion, n'a jamais posé de problème. Sauf que là, elle dépassait de quelques centimètres des dimensions autorisées par la compagnie. Mais quand on dit des centimètres, c'est des millimètres même. Il était révolté. Il a refusé de payer les 70€ de supplément. Daniel a décidé alors d'arracher les roulettes de sa valise en plein milieu de l'aéroport de Majorque, vu comme un héros par les autres voyageurs qui ont filmé et tout. Daniel n'a pas payé le supplément. Bravo. Il a perdu une valise à 70€, donc au final... Oui, c'est ça. Mais il a surtout perdu ses roulettes, donc il devra la porter à l'avance, sa valise. Hein. Mais elle respecte les dimensions, donc ça y est, c'est bon. En fait, on va vous dire la vérité. Le cœur de l'info, c'est pas ça. Ah, le vrai craquage de Daniel, c'était pas chez le bagagiste, hein, pour la dimension, c'était quand il était dans l'avion et qu'il a vu la souplesse de décollage et d'atterrissage de cette fameuse compagnie jaune et bleue. Avec l'hôtesse qui n'a jamais osé goûter les sandwichs à 25€ pièce. Car elle préfère crever. Oui, quand tu vois le prix aussi. Deuxième, un flop. Le mois dernier, ces étudiants en sciences à Clermont-Ferrand, en France, ont passé un concours, un examen très important. Le souci, le centre d'examen a bien envoyé leur copie. Sauf que la poste ne les a pas livrés au correcteur. Le paquet de copies semble avoir été égaré. Les étudiants ont dû à nouveau représenter l'intégralité de l'examen lundi. Chez. Alors, soit ça te chance, t'es heureux parce que t'as foiré tes études et du coup, là, t'as un plan B. T'as vraiment la deuxième session, là, tout de suite, qui compte pour la première. Ou alors, t'as tout oublié parce que t'es comme Kix, hein, tu retiens un truc 5 minutes et puis 2 heures plus tard, t'es là, oui, mais c'était quoi l'examen? C'était quelle matière? Pensez au pauvre Kevin qui était persuadé de louper l'épreuve. Il avait pris le risque de tricher le mois dernier et il avait réussi sans se faire prendre. Malheureusement, ce lundi matin, il a eu moins de chance. Il était assis juste en face du surveillant. À cause de la poste, Kevin n'aura jamais son diplôme. La vie ne fait pas de cadeaux. Corey Harris, un Américain vivant dans l'état du Michigan, c'est notre troisième inflop. C'est l'homme le plus culotté du monde. Et le plus stupide. L'homme avait une addiction... Une audition, pardon. Je découvre le texte. Hein. Une audition aussi. L'homme avait une audition avec un juge, via Zoom, hein, c'est se faire juger en télétravail, c'est génial, pour son retrait de permis de conduire. Donc, le problème, c'est que l'homme... qui est censé ne plus avoir son permis, a décroché au volant. Il a fait son zoom au volant de sa voiture. Okay. Double infraction. Hein. Il ne peut pas conduire, il est au volant en zoom. C'est bien moyen. Compris, lui. Ouais, ouais. Bon, et là, il s'est garé et tout. Évidemment, il n'a pas récupéré son permis et a reçu une amende supplémentaire. Yes. Ouais. Là, il n'y a même pas de chute, il n'y a pas de blague à faire. On peut juste dire... Ma belle voix, suave et envoûtante. Profitez-en, parce que Jadoul est de retour et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Waouh! Jadoul et son équipe, tous les mercredis. Comme chaque semaine, ils sont là, ce sont nos champions de la fréquence. Oui, on peut le dire, on peut même leur mettre cette musique. Oui, nous sommes les champions de la fréquence. On nous connaît, nous sommes tous amis. C'est nos copains de Radio Falminioul. Yes. Faut rien dire de plus que démarrer la séquence. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, Chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont fait un show à l'américaine et en public. Mesdames et messieurs, bonsoir! Bienvenue dans le Falmi Show! Cette émission vous est présentée par moi-même, René Renier, et orchestrée and orchestrated by Bar. Guy à la technique, à the technical problem. Oui, bah ça va Guy, on a compris, tu peux couper les tu peux arrêter les applaudissements du public. Je suis désolé mais j'ai bloqué la machine à bruitage. Même si j'appuie sur les autres effets, ça ne fonctionne pas. Et quel idiot, regarde. Ah non, attends. Oh là là. Mais quel idiot. Mesdames et messieurs, ladies et gentlemen, dans le cadre de cette émission, The Show Must Go On, de Completely... En français, elle est totalement différente de ce que nous avons proposé jusqu'ici. Et nous ne diffusons pas de vinyle. Attention au départ. Bon voyage. Ne me regarde pas comme ça, René, je n'y suis pour rien, je te jure. La machine s'est débloquée toute seule. Allez-y, les petits pilotes, les petits chauffeurs. On est place, en voiture. Nous ne diffuserons pas de vinyle, disais-je. Car nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio du Falmi... Perdu mes dents. Dans le studio du Falmi Show, la chorale du village de Falminioul. The Conservation of Falminioul and the Chorals. Bravo! C'était la chorale du village de Falminioul. Ils sont actuellement en tournée dans tous les EHPAD et les homes de la région. Et j'aime autant vous dire qu'ils font sloudoute à chaque fois qu'ils vont quelque part. Ils sont overbooking, over motherfucker. Je vous prie de applaudir Guy. Je vous prie d'applaudir Guy. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Guy. C'est quand tu veux pour les applaudissements. Oh, il faudrait savoir, mon vieux, hein. Une fois que tu veux des applaudissements, ensuite tu dis qu'il y en a trop. Oui, ça va, ça va. Voilà tes applaudissements. Merci, merci, merci. Pensez-vous, c'est très mystérieux. Ne mets pas de bruitage qui rigole, toi. Poursuivons donc cette émission avec notre Guy, qui vous a préparé quelques petites blagues. Déjà, sa tenue. Regardez comme c'est rigolo. Voilà, mais surtout, mets pas de bruitage des gens qui rigolent maintenant. Ah, ça c'est pour m'enfoncer encore. Allez, la blague. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Un jour, il s'assoit et il meurt. Comment appelle-t-on une chauve-souris avec une perruque? Une souris! Que fait une fraise sur un cheval? Ta-da-da! Ta-da-da! Ici, pour la sécurité. Oh, pardon, je me suis trompé de bouton. Merci, Guy! Special thanks to Guy! Michauve tous à chafin. Et avant de nous quitter, nous accueillons un auditeur à l'antenne. On est rien, vous me fait chier l'anglais. Allez, comment vous vous appelez? Non, finalement, c'est très bien. Merci beaucoup, Eric. Et c'est sur ces belles paroles que nous refermons ce Flamichot. C'est bon, René? Je peux arrêter de faire le faux auditeur? Oui, tu... Il est con. Mais non, tu ne le dis pas, ça, on a encore à l'antenne. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. À bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Si son poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. C'est la faute de Dix. T'es con ! C'est le lancement du son ! Ah, d'accord, c'est ça que tu veux. Mais là, ouais, il fallait faire un geste. Partout en podcast. C'est Jadoul. Tous les mercredis. Top 10 cette semaine. Vous êtes en train de réserver vos vacances, vous avez besoin d'inspiration. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, est-ce qu'on peut... C'est un petit Shakira là ou... Billie Eilish, elle vient de sortir un titre. Jack. Un titre Jack. C'est qui Jack? Jack, en fait, c'est le câble qui me demande actuellement pour brancher son... Mais je savais, c'est le frère de Damien. Non, mais c'est pour les auditeurs qui ne comprennent vous pas pourquoi. Vous savez quoi, ne tentez pas l'humour hein, quand c'est... Bon, voilà. Dieu, ça va bon, si, c'est le moment. Jack. Jack. Ah, Jack, c'est comme dans Titanic. Ah, j'ai jamais vu Titanic, vous savez. Quoi? Je vous jure. Moi, c'est récent que je l'ai vu. Mais... C'est génial. Ah, mais on m'a spoilé la fin, alors... C'est quoi ça? Nouveau Billie Eilish. Elle fait un jogging avant. Écoutez cette guitare électrique. Un peu sensuel. Hein. Voilà. Je me suis fait un kiff. Oui, excusez-moi, je fais de l'asthme. Elle a juste utilisé son puff pendant tout. Top 10 donc. Mais comment il balance le câble ? Top 10 des villes les plus accueillantes. Ah. Vous avez des idées ? Quel est le numéro 1 selon vous ? Kix. La Grèce. Parfait. Comme ah, la ville. Très bien ça. Pas grave. 0 sur 10 en géo. Bruxelles, on est peut-être dans le classement, non ? Il y a moyen, on dit qu'on est gentil. Enfin, les groupes de musique disent qu'on est gentil. Lisbonne. Lisbonne. C'est bien, il n'y a aucune bonne réponse et il y a surtout un manque de QI chez Kix qui vient d'être détecté. L'Allemagne. Santorino. Santorini. Santorini. Oh la vache. Et c'est bon, ferme. Arrêtez. Allez, on s'écoute ici. En 10, des villes les plus accueillantes, nous avons Dublin en Irlande. Ah oui, j'y suis allée, c'est génial. Moi aussi, je confirme. Tu t'en souviens? Oui. Mais tu rigoles. Mais pourquoi ils sont sympathiques? C'est parce que t'as tous les pubs. Les pubs. Les pubs. Les pubs. Les pubs. En numéro 9. Marseille. Nous avons Sydney, en Australie. Oh. C'est pas en Europe? Ah non, c'est dans le monde. Dans le monde. Ok. En 8, Porto. Oh, Lisbonne, j'étais pas loin. Portugal. En 7, Venise. Italie. C'est vrai. Non, c'est cliché, Venise. 6, Abu Dhabi. Émirats Arabes Unis. Oh. En 5, Toronto, au Canada. Toronto. En 4, Melbourne, Australie. Fait 2 pour l'Australie déjà. Un retour au Portugal avec Lisbonne. Ah, bah. Ah, mais j'ai raison, alors. Oui, numéro 3. Ah. Bravo, Pat. En 2, Madrid, Espagne. Et on finit en numéro 1. Paris. Calgary, au Canada. Ah, ça vous embouche un coin, ça. Hein. Ouais. Ça, ouais. Un gros coin. On n'est même pas dedans, même pas du tout. Ah non, la Belgique, elle est loin du compte, là. Arrêtez de vouloir être dans le classement, ce n'est pas le cas. Zaventem. Zaventem. Scarbeck. XL. Jesus Ake, en 6e position. Jesus Ake. Cela dit, j'ai regardé pour Santorini. Non, t'as pas raison. Je crois qu'on peut dire Santorino. En anglais. On n'est pas en anglais ici. Hey, guys. Il m'énerve parce que depuis le début de la séquence, tu parles, il y a derrière. J'avais raison. Non, t'avais pas raison. C'est en anglais, Santorino. On n'est pas en anglais ici. Bon. On n'est peut-être pas les plus accueillants. Je suis désolée, Kix, mais parfois, t'es un peu lourd. Mais c'est pas ça, on t'aime quand même. Kix, tu morves. Oh, mais c'est bon, allez, merci. L'actu connecté. Et les dernières tendances, c'est avec Jadoul. Un podcast. Yeah, yeah. C'est que c'est l'heure de retrouver Madame Maëva Moller. En direct. Le triple M. De MMM. Maëva Moller, quoi ? Je sais plus. Ok. Motivée. Motivée. Maintenant. Maman. Maintenant. Maman, okay. Allume ton micro, toi, pour parler. Maman. Micro. Pourquoi micro. M comme micro. Mec un peu autiste. Bref. On va parler un petit peu de sujets chiants, comme dirait Jadoul, de sujet sérieux plutôt, la politique. Parce que oui, on doit voter dimanche, et ben voilà, c'est pas toujours facile de savoir pour qui voter, mais pas d'inquiétude si c'est votre cas, parce qu'il paraît que un Belge sur cinq ne sait pas pour qui voter. Donc déjà, première chose, vous n'êtes pas seul. Et donc j'ai des solutions pour vous aider, voilà, pour ce 9 juin. Alors je rappelle, ce 9 juin, on va voter pour les européennes, pour les fédérales et pour les régionales. Merci. Tout ça. Voilà, on va voter trois fois. Ça en fait du vote. Ça va refaire un jeu de fléchettes. Hein. On va viser au hasard. Non, c'est pas des mots croisés, Kix. Donne un côté sérieux aux choses. Oui, c'est vrai. Quand c'est un truc important, il faut se renseigner. Bien évidemment. Exactement, mais on peut se. Il y a abus d'alcool. On peut se renseigner sans devoir lire absolument tous les programmes, etc. Parce que c'est lourd et on n'y prête pas attention. Est-ce que vous aimez bien les applis de rencontre? Est-ce que vous avez l'habitude des applis de rencontre? Ah oui. Kix, je te vois. Pardon. Voilà, tout le monde a déjà swipé sur Tinder, je pense. Oui, bah Maëva a recruté Baptiste comme ça dans l'équipe. Ouais. Voilà, je suis nouveau dû à ça. Bah, t'es content qu'il soit là, non? Bref, du coup, il y a des espèces que vous faites l'amour dans le studio. Ça, c'est un autre problème. Pas pendant les pauses. Mais enfin. Allez. Il y a d'autres. Donc, il y a des tests qui ont été créés pour savoir pour qui voter. Et en gros, c'est un peu comme une appli. Tu swipes, enfin, tu dis d'accord, pas d'accord, tu swipes à droite, à gauche. Et en fait, tu fais une batterie de questions, donc une trentaine de questions, d'après des idées. Donc, par exemple, le montant pour les subsides pour la RTBF doit être réduit, ou il faut supprimer la fermeture obligatoire des magasins. Non, il ne faut pas réduire les enveloppes. Oui, non, c'est pas, je ne veux pas mettre un débat, mais voilà, il y a plein de types de questions. Personnellement. Et tu mets d'accord, pas d'accord. Et au final, au bout de ces questions-là, eh ben, t'as ce qui te convient le mieux. Donc, c'est pas non plus exactement pour qui voter, mais ça te donne une idée d'après les partis en disant, ben voilà, tu corresponds à X% à ce parti-là, à X% à celui-là, okay, etc., etc. Exactement, Jade, vous l'a trouvé. Mmh. Et donc, par exemple, qui fait ça? Ben, la Libre, qui fait ça gratuitement. La Libre fait ça avec la RTBF et UCL. Quoi? J'ai fait le test. T'as fait 35 questions en 30 secondes. Ben, mais j'ai réfléchi très vite. Je l'ai fait le 18 mai, le truc. Ah. Voilà. Donc, il y a la Libre qui fait. Je peux finir avant. Je peux finir aussi ma phrase, peut-être ça te dérangerait. J'ai fait 50 partout. Ça veut dire que ce test ne m'a avancé à rien. J'ai mis des points chez chaque parti. Et c'est-à-dire PS, MR, Écolo, Les Engagés, PTB. Égalité partout. Un peu moins, presque, ouais. Presque, ça se joue à 1% à chaque fois. Ah ben le pourcent au-dessus, c'est celui-là. Le mec est neutre, surtout. Ouais. Donc ça veut dire que t'es perdu, quoi. Mais est-ce que t'as fait que ce test-là ou t'en as fait d'autres? Ah non, j'ai fait que celui de RTBF. Politique Swipe. Celui sur la Libre? Ouais, moi j'ai fait celui-là, je crois. Et le test Covid, tu l'as fait? Et ben il y en a aussi, il y en a un autre. Mais enfin, il y en a un autre, c'est celui sur le soir avec Sudinfo, RTL et ULB également. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'en faire plusieurs. Comme ça, si vous voyez un petit peu les. Et ça dépend qui a. Acheter le développement du. Mais à chaque fois, ils disent que l'UCL, donc l'université de l'ULB ici avec la Sudinfo, donc Bruxelles, UCL avec RTBF. Il y a toujours une université qui normalement doit un petit peu gérer le truc. Être neutre, ok. Être neutre, exactement. Pour les européennes principalement, il y a le votingfordummies.ue. C'est 10 questions, mais c'est vraiment super sympa. Tu réponds avec des émojis, etc. Ça t'aide aussi pour les européennes qui sont aussi ce dimanche. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces petits tests, ça peut peut-être vous aider. Et alors, il y a les explications parfois en dessous. Par exemple, s'il y a une question où tu ne sais pas quoi répondre, tu regardes ceux qui disent d'accord pourquoi et ceux qui ne disent pas d'accord pourquoi. Et ça peut un peu t'aider à comprendre ces questions qui sont quand même importantes, il faut le dire. Parce qu'on s'est battu des années pour voter, il faut voter. Voilà, tous voter Poutine, exactement. Mais enfin, nous sommes dans un pays libre. Mais oui, c'est important. C'est n'importe quoi. Merci, en tout cas, franchement, pour les noobs comme moi qui ne savent pas, parce que je m'intéresse vraiment très peu à la politique belge, parce que on va se dire un truc entre nous. La politique française est très théâtralisée dans les médias, et c'est assez feuilleton télé quand on regarde ça dans les médias, alors qu'en Belgique, c'est quand même plus discret. Et puis, de toute façon, une fois qu'on a voté en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles, on fait des compromis. Voilà, alors ils ont voté pour ça. Allez, on fait plaisir à tout le monde. Les fameuses coalitions. Voilà, ça va prendre 1 an, 4 ans. Pff, Vous savez, on a le temps, on n'est pas pressé, hein, la Belgique. Après. On n'est pas contrarié. Non mais sans rire, votez, c'est important, faites le dimanche, prenez le temps, de toute façon, c'est obligatoire. Tous les mercredis, c'est avec un bon rétablissement. Et c'est avec Jadoul. En podcast. C'est également pour la direction. Des bisous. On va jouer. On va jouer avec une chanson qu'on aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Une chanson qui a été faite par French Fuse. C'est un remix de Mission Cléopâtre. Ouais. Écoutez. Pas content, pas content. Il faut compléter ici. Pas content, pas content. On va essayer que tout rime. Pas content, pas content. Et le mieux c'est d'être drôle. Pas content, pas content. D'accord ? Oui. Je mets beaucoup d'espoir en vous. Une chose que bon nombre de directeurs de radio m'ont déconseillé. Mais Dieu. On y va. Je propose de démarrer. C'est qui grince? C'est moi. C'est la hanche de Baptiste. C'est ma prothèse. D'accord. Je commence et je terminerai. Et puis je désigne vos noms en fait. Et je fais ça au feeling. D'accord? Oui. C'est ça aussi le côté. Voilà. Joue avec nous Maëva. Oui. Kix. Yes. Et le Batoï 3000. Yalla. Aka Baptiste. On y va, on se fait. C'est, attention, le premier qui foire tout, on doit tout recommencer. Ah! Du 23h. Allez, on y va. Hein. Il ne faut pas voter blanc. Eva. Quand les gens parlent en mangeant. Kix. Quand ma glace tombe sur le divan. Baptiste. Quand mamie avale ses dents. Oh. Eva. Quand vous oubliez le déodorant. Kix. Dire un oui en inspirant. Ouais, ouais. Baptiste. Ouais. Quand ton fils s'appelle Bertrand. Oh. Faire le bruit de l'éléphant. Attends, quoi? Hein? De quoi? De quoi l'éléphant? Bah, l'éléphant. Faire le bruit de l'éléphant. Mais ça n'a rien à... Enfin, t'as juste mis un mot qui rime. Mais qui fait le bruit de l'éléphant? Moi. Toi, tu fais le bruit de l'éléphant. Ouais, bien sûr. Vas-y, vas-y, on fait ça. Je me mets debout. Attention, vous êtes prêts? Ah, oui. Tu fais le gestuel et tout. Tu fais des comptes? Vas-y. 3, 2, 1. Enfin. Wow. Juste pété au micro. Le personnel médical qui encadre les gens de cette émission vous informe que l'état des patients n'a pas évolué. Hey, les médecins démissionnent. Non, non, on veut pas. Ces fous sont libérés 2 heures en podcast. Ce n'est pas acceptable. Jadoul et son équipe. Les gens se jettent dessus. Tous les mercredis. Ça va, tout le monde va bien, tout le monde est installé comme il faut. Oui, hein. Pourquoi j'ai ça qui démarre? On a piraté la radio, bravo. C'est ça que je voulais. Waouh. J'espère que vous allez bien, que vous passez une douce soirée, que vous êtes reposé. Si ce n'est pas le cas, détendez-vous, tout va bien. Vous nous écoutez peut-être en podcast. Maëva, oui. Comment fait-on pour nous écouter en podcast? Je change d'avis, c'est Baptiste qui nous dit. Eh bien, nous allons sur Spotify. Oui, notamment, par exemple. Entre autres. Tapez La Trappe de Jadoul. Et vous suivez les podcasts qui durent entre 1h20 et 1h23, et vous très mettez précisément. Vous mettez des commentaires en dessous, vous likez. 5 étoiles. 5 étoiles, bien évidemment. Et vous écoutez du début à la fin. Sans pause. Je peux dire que pour les gens qui nous écoutent uniquement en radio, qu'il y a des choses qu'ils loupent sur le podcast. Ah oui, c'est parce vrai. Qu'en podcast, c'est encore moins censuré qu'à la radio. Mais pourtant, Dieu sait qu'ici, c'est pas non plus... Déjà, la radio, c'est du direct. Mais alors, imagine-toi avec un before inédit pour le podcast. Mm-hmm. Mm. La semaine dernière, on a fait un envoyé spécial avec Antoine Limbotte aux toilettes. C'était il y a 2 semaines, ça. Oui, la semaine dernière, c'était l'accent québécois. Oui, c'était très sympa. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Ou alors, vous loupez pas grand-chose. Hein. Oh. Québec, ouais. Ouais, non, je sais pas. Non. Pas terrible. Pas terrible. Pas terrible du tout. En tout cas, on est content. Kix, je peux te poser une question? Oui. C'était pas toi, il y a 1 an et demi, qui nous avait expliqué que tu devais entreprendre un régime alimentaire? Quoi? Et aïe. Que tu as acheté un livre? Oui. Spécialement pour ça? Ouais. Attends, t'en es où dans ce livre? Alors, franchement, la couverture, très quali. Mais t'as même... C'est un livre en PDF? Oui. Oui, mais la couverture aussi en PDF. D'accord. Et non, tu l'as, franchement, tu l'as même pas ouvert? Si, bah si, j'ai déjà ouvert, j'avais déjà commencé à le lire, déjà, mais voilà. Le problème, c'est que... C'est quoi comme régime? En fait, Kix est un poil maigre, ouais. Donc il a juste voulu un peu s'alourdir pour résister au vent. Voilà. Ah, mais ça, je peux t'aider. Non, en vrai, bon, j'espère que ça va pas vexer les gens, mais je fais 65. Donc, s'il y en a qui se considèrent. Non, mais t'as les os lourds, 1m80. 1m80, 65 kilos. Voilà, j'ai les os lourds, oui. Et pas que les os sont lourds. Je parlais pas de. Mais je suis sûr, tu te laves les cheveux, tu perds 10 kilos. Mais arrête, il va encore dire en antenne, les gens vont penser que je suis sale. Dis aux auditeurs comment tu fais tenir ta mèche rebelle. Moi ? Ouais. Rien, même pas de lait, rien. T'éternues dans tes mains et tu les. Tu craches dedans, à peu près. Tu sais que l'époque, ils faisaient comme ça en Angleterre ? Moi, j'avais un prof, il se léchait la main. Oh ! Et il l'a tapé sur le voisin. Oh, mais oui ! Quoi ? Tu en as déjà parlé ? C'est vrai ? Ouais. Et je crois que tu m'avais même montré une photo. Ah ouais, je m'en souviens plus. Si. Mais moi, je me souviens très bien de ce prof qui dégueulasse. Un petit œuf, quoi. Ah bah, c'était charmant. Hein, voilà. Bref, merci. J'espère qu'on vous a donné de l'appétit. Si jamais vous n'avez pas encore mangé ce soir, j'espère que tout va bien. De l'autre côté de la radio. Voilà, dans un instant, le blanket arrive. Ouais. Oui. Et c'est le grand retour de Jean-Michel. Oui. C'est tout ce qu'on voulait. Notre ivrogne est là dans 3 minutes. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul. En podcast. Eh bien voilà, merci Simone. Oh, il m'avait manqué cet accordéon. Ah oui, j'adore l'accordéon. Mais qui voilà ? Notre Jean-Michel ! Bonsoir mon Jadoul ! Oh, qu'est-ce que vous faites ici ? Ben, j'étais occupé à travailler durement sur la réparation de ma peau papier. Et quand j'ai entendu le candidat Dominique Viagra ou Vegas vendre son programme complètement lunaire, on doit dire, ça m'a donné envie. Oui. Ça nous a donné envie de nous voir, c'est ça, de venir nous faire un petit bisou. Non, du tout, du tout. Non, ça m'a surtout donné envie de créer mon propre parti politique. De toute façon, on est obligé de lui donner la parole. S'il se lance en politique, on est obligé, parce que c'est les temps de parole, bah si, c'est comme ça, c'est comptabilisé. Donc vous êtes venu juste pour vous accaparer de l'antenne. C'est bien ça. Voilà, allez, bon bah on y va, alors c'est parti. Afin de respecter le temps de parole et la diversité politique dans les médias, des mesures gouvernementales nous imposent de diffuser ce spot promotionnel dans le cadre des élections du 9 juin. Blablabla, blablabla. Voici une publicité pour un politicien. Vous en avez marre des politiciens qui vous servent de discours aussi plat qu'une bière tiède ? Je me présente aux élections 2023. 2024, Jean-Michel. Ouais. Moi, Jean-Michel, je suis là pour secouer tout ça. Avec moi, la pression, on la boit et on la fait mousser. Votez Jean-Michel sur la liste du PMR, PNR, Parti du Nez Rouge. Ensemble, on va changer les choses. En commençant par la carte des boissons, s'il vous plaît. Bien, Jean-Michel, voilà, bon bah le message est passé. On vous souhaite une bonne continuation, beaucoup de courage hein, pour le parti des Nez Rouges. Ah bah merci bien, merci, santé. Mais pas de la bouche. Waouh. C'est encore pire que le santé, mais pas des pieds. Il y a des hommes qui se bonifient avec le temps. Et Jean-Michel prend du temps pour. Merci. Tous les mercredis, c'est avec Jadoul. Par les pouvoirs qui me sont pas conférés. Qui a fait ce bruit ? Non. Mais qui a fait ce bruit ? C'est qui ? À ton avis. Oh, Baptiste. Non, moi, mon micro est. Vas-y, refais. Allez, fais le bruit que tu voulais faire. Voilà. Non, je voulais le remettre et ça fait un peu. Vas-y, remets ton micro correctement. Voilà. Oh, Seigneur. Radio jour 3. Mais c'est vrai en plus. Oui. Moi, c'est pas une excuse. Ouais. Ouais, bon, c'est pour ça qu'on est indulgents. Je reprends. Par les pouvoirs qui me sont pas accordés, par la radio et par les TikTokers, je démarre la Music Machine pour le Blanklet. The Music Machine. The Music. Il est temps de. Je relève même plus. Hein. Il y a l'autre qui est en train d'agoniser, l'autre tire avec son micro. C'est fin de soirée. Hein. Ouais. C'est vrai, on dirait. C'est la fin de soirée où ouais. Tout le monde est plus très frais. C'est nous. C'est pas, j'ai mis on a même pas bu en plus. T'imagines si on buvait, ce serait n'importe quoi. Mais encore plus que n'importe quoi déjà maintenant. Abus d'alcool nuit à la santé. En plus. Allez. C'est pour ça, on n'a pas besoin de ça nous. Non. Le principe de la music machine, c'est le blind clet. C'est un blind test, mais qu'avec des clets. Tout vient de TikTok, c'est des gens qui reprennent des vraies chansons qui existent à leur manière. C'est pour ça qu'il faut reconnaître titres artistes originaux sur base de leurs reprises. Pour arbitrer tout ça, évidemment, on est des pourris. Donc on a fait appel à quelqu'un de neutre. On ne maîtrise pas, je suis l'huissier du choix. Pour le petit Jadoul et toute son équipe. On ne maîtrise pas, la la la la la la. Je suis votre huissier et vous allez m'aimer toute la vie. Je ne maîtrise pas, j'aimerais voter, non, j'aimerais devenir candidat. Non, ouais, ça va, c'est bon, on a essayé, c'est bon. Mais pourquoi ils ont pu faire ça, eux? Ben, parce que eux, ils ont demandé. Vous arrivez, vous êtes un opportuniste. Soyez juste huissier de justice. Si. En plus, avec votre métier, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ben oui, c'est vrai, ça, vous avez une profession... Vous avez un diplôme. Ou vous devez arrêter d'être huissier de justice pour... Non, je peux faire... Vous connaissez la loi ou pas? Si. D'accord. Voilà, d'accord, ça va bien. On y va, maîtrise pas, compte les points. Maëva joue. Oui. Baptiste joue. Oui. Et Kix est là. Oh mon dieu. Bah lui, il est pas fort au jeu. Mais oui, mais si. Et c'est allez. Encore toi qui vas gagner, de toute façon, non? Oh, c'est mais... ça qui est écrit. Bravo. Rageux. Et Anthony Bott joue depuis son canapé, le troisième membre de cette équipe. On y va, première manche. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de toi. Polnareff. Ouais. Et je pense à toi. Le titre, au moins. Lettre à France. Bonne réponse. Oui. Oh. En fait, j'allais buzzer, mais j'allais. Toi et moi! T'as enlevé tes amygdales? Oui. Ah. Wow. Tu l'as vu? Version TikTok. Eh, c'est dur, hein? Toi et moi! Oui! Oui! Edith, il met beaucoup de sien. Tu vis toujours au bord de l'eau, quelquefois dans les journaux, je te vois sur des photos. Pardon. Je l'ai droppé. On se fait la deuxième manche. Concentrez-vous. Kix ? Oui. T'es là ? Ah, oui. Alors, j'ai vu, c'est un très beau match, hein, je dois dire. Bah écoute, celui-là, tu peux peut-être le gagner. Je sais ce que tu vas dire. Pierre Garnier ? Oui. Le titre. À cause de moi. Mince. Ça fait deux semaines que tu calmes le jeu. Déjà l'autre fois, il faut attendre le refrain pour qu'ils disent. Mais j'aimerais garder. Attends. Il n'y a plus que 10 affaires à moi. J'aimerais regarder. Je vais pas te retenir. Elle chante bien en plus. J'ai la déjà fait seule. Trop de non, je sais plus. Oh non, lui. Je ne veux pas de celui-là. Non. Pas celui où tu t'en vas. Oh là là. Je me regarde pas, je l'ai pas. J'aime regarder. Le meilleur de. On était. Ce qu'on était. Oh. J'aime regarder. Le meilleur de ce qu'on était. Mais t'as dit ce. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher. Ce qu'on était. Ah, ce en plus. Ce que je ne t'ai pas. Alors que Johanna, franchement, elle chantait bien. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs tu vas chercher. Oui, ça va. Je vais garder. Oui, on sait, oui. Le meilleur de ce qu'on était. Merci, Johanna, c'est bon. Et c'est pas grave si tu vas chercher. C'est pas grave, non, je te jure. Un peu de ce que je ne t'ai pas donné. On maîtrise pas. Maîtrise pas, un petit récap des points, s'il vous plaît, on en est où? Si, j'ai fait un partout. Oh, pas mal. Ça pimente la suite. Pimente, piquante. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Baptiste, notre batoille se met à vibrer. Non, ça c'est un frigo, ça. On y va, on se fait la troisième manche. Et j'ouvre la tranche. C'est mieux, hein, si le potard n'est pas allumé, ouais. Forcément c'est compliqué. On y va. C'est notre copain Daddy Miles. Ah. 700 millions de chinois. Dassin, non, Dutron. Dutronc, ouais, c'est Jacques Dutronc. Mon mal de tête. Non. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Pas c'est quoi le titre de ça. 80 millions d'indonésiens. C'est pas du tout. Et moi. Avec ma. Non, j'ai pas. Kix. Oui. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. Non. C'est la vie. Non. Crève la faim. Et moi. Ah. Kix, tu vas me le faire sur chaque chanson. Je m'en fous, j'ai le point. On maîtrise pas. Si, ça fait un point pour Baptiste, un point pour Maëva et deux points pour Kix. Maîtrise pas, dites un peu à Kix qui est quand même un peu lent. Kix, t'es quand même un peu lent. Comme ça. Oui, c'est bien. Ok. Kix, la réponse. Bah, voilà. On retrouve Eon. Et love. Kisses. Bye. Avant-dernière manche. C'est vrai, je fume trop. Marc Lavoine. Oui. C'est vrai que je bois trop. Je fume trop. Non. Il est vrai que je t'aime de trop. Non. Je t'aime de trop. De trop. L'un de trop trop. C'est vrai, je sors. Je me sens si seul. Bonne réponse. Je me sens si seul. Tu me manques tant. Que j'écoute le souffle du vent. Bravo. Tu me manques tant. Je me sens si seul. Énorme. Que j'écoute everything. Everything but the girl. C'est vrai que j'en dis trop. Pardon, je pourrais le laisser en entier. Il a un côté sympa, hein, sous-côté, ouais. Je trouve. Bah, Marc Lavoine, sous-côté. C'est vrai qu'il y a un truc. Il est sous-côté. Mais en tant qu'acteur aussi, il est très fort. C'est pas le même délire. Allez, mais... on n'est pas là pour ça. On se fait la finale. Ouais. Attention, c'est avec Johan. Et ça joue entre Maëva et moi, c'est ça? Un habitué. On en est où au niveau des points? Oui, on va faire un petit récap peut-être. Maîtrise pas les points, s'il vous plaît. Ça fait 2 points pour Kix, 2 points pour Maëva et 1 point pour Baptiste. Bah, il peut faire 2, donc il y aura 2 points partout. Oui, c'est gentil, mais allez, on y va. Finale? Enfin, finale. Oui, pour ça, il faut qu'il n'y ait pas égalité. Finale. Arrête à Franklin. Oui. Respect. Bonne réponse. Vitel. Et pas. Spa. Et bien. On dirait une musique de pub. C'est vrai, c'est vrai. C'est une pub. Ça m'a fait penser à la pub, oui, effectivement. On dirait un pets. Vous avez quelque chose contre le petit timbre de voix sucrée de Johan? Absolument pas. On dirait moi qui fais le ventriloque avec ma chaussette. On est allumé. On maîtrise pas. 3 points pour Maëva. 2 points pour Kix. Et 1 point pour Baptiste. Donc c'est Maëva qui gagne. Maëva a le droit de choisir la dernière musique qu'on va écouter dans cette émission. C'est elle qui peut choisir le titre qu'on va écouter. Alors on va rester dans une ambiance KF. On va s'écouter dans l'univers. Dans l'univers avec Nekfeu et Vanessa Paradis. Ah, ils ont fait une collab. Et c'est joli. Je ne le savais pas. Eh bien on l'écoute ensemble. En direct. Merci de nous avoir choisi. 22h08, juste après, on se fait un bisou. Dans l'univers, il y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis tata par le vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais des choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune sépare. Pourtant dans l'univers, y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais des choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune sait pas. Même si notre amour à tes devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies sur terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles. Mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais les choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune sait pas. On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les puissants lits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme maudit. Quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Dans l'univers y'a des milliards de vies sur terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles. Mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de fils, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais les choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune sait pas. Nos cœurs unis par cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Très bon choix. Bah merci ouais. beaucoup Maëva. Ça, ça avec nous a plaisir. Fait plaisir. Franchement, ça, ce titre, je m'y attendais pas. Ça m'est bien. Ça nous a évité de mettre l'homme pâle comme d'habitude. Oui, c'est vrai. Nous, on a une coutume ici. Vous savez, dès qu'on est un peu à l'avance, on met l'homme pâle. Voilà. Du coup, voilà, c'est notre plaisir. On vient gratuitement, hein, il faut le dire. Ah bah, ouais. Si on peut se faire un plaisir, bon. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine. Avant de se quitter, Maëva, fallait qu'on cause un truc. Quoi? J-9. De quoi? J-9, enfin. Maëva, tu veux un petit indice? Ah oui. Oui, le 14-15, il y a une annonce de Indochine. 14, ils sortent un truc. Alors, on sait pas. On sait pas quoi. Le mystère est entier. Ils ont juste publié une photo d'eux ouais. en silhouette. On sait pas ce qu'ils sortent. Voilà, c'est effectivement ce 14 juin, vendredi. Donc, on sait pas du tout ce qu'il y aura. Ça se trouve, c'est un nouveau single. Peut-être mettre un nouvel album, imaginez. La vie est belle et cruelle à la fois. Elle nous ressemble parfois. Ou une collaboration avec le fils de Momon. Ou alors, un cran au-dessus. Imaginez, les mecs se sont pris d'amour pour l'intelligence artificielle. Non. Et là, ils font renaître. Non. Régine. N'y touche pas, ni demain, ni jamais. Fais ça pour toi. Imagine un titre. Ouvre les yeux et promets. Et là, t'as Nicolas Sirkis. N'y touche pas. N'y touche pas. N'y touche pas. N'y touche pas. N'y touche pas. Je sais pas pourquoi je... Non. Non, tu nies. Non. Bon, bah voilà. J'espère que... Waouh. Il y a encore une mouche qui est passée ici. Oh, purée. J'ai explosé. Rouge. Il est rouge comme le panneau en air. Ça va? À partir d'une certaine heure, en fait, j'explose et du coup, voilà. Ah, d'accord. Mais c'était quoi ce bruit? Vers 2h du matin, j'ai une explosion. Mais tu sais pas ravaler ton éternuement comme tout le monde? Mais vous savez faire ça, vous? Bah, c'est impossible. Si tu fais... Non, non. C'est les gars. Des êtres délicats que ça. Est-ce qu'on a vraiment envie de partager ça en radio? Déjà, et là, on va devoir repeindre le mur. Ah oui, c'est vrai. Wow. Ah, c'est pas propre. Merci, Baptiste. Franchement, je voulais terminer avec une info musique, un truc un peu chic. Voilà. Ça, c'est du Baptiste. Bon, peut-être que tu reviens la semaine prochaine, hein, je n'en sais rien. Mais on se souhaite le meilleur. On vous souhaite une très très bonne semaine pour la suite, là, ce qui arrive. Et puis, voilà, le meilleur. Que tout aille bien, que vous soyez heureux. Et surtout, écoutez-nous en podcast. Il y aura un petit exclu là au début, il faut se brancher. Au début, ouais. On vous fait un petit inédit uniquement pour le podcast. D'ici là, passez une bonne suite de semaine. On vous embrasse où que vous soyez. N'oubliez pas d'aller voter dimanche, c'est important. Pas pour Vegas et Jean-Michel, hein, pour des vrais trucs. Hein. Des bisous, à bientôt, au revoir. Bisous. Jadoul revient mercredi prochain.